téléchargez l'application Radio France pour découvrir, écouter des milliers de podcasts et toutes vos radios en direct. Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio cousues main, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, pourquoi le zoo ? Une série de Myriam Prévost réalisée par Anne Pérez Franchini. Au départ de cette série, il y a des souvenirs d'enfance à jeter des cacahuètes aux éléphants ou à tirer la langue aux singes, alors que désormais ça semble presque étranger, au point de se demander ce qu'on y trouvait. Alors pour commencer, les personnages. Un écrivain aux aguets, des visiteurs, une soigneuse au volant, des fous de zoo, un animateur surpris, un soigneur délicat, Ben, l'éléphant, un directeur passionné, une historienne qui démêle et Sagan, le tigre blanc. Ensuite, le décor. La fascination, un 4x4, des comparaisons, des forums de discussion, le repas, une proximité, des regards, des mises en scène, la cage au lion, des ponts, des îlots, l'exotisme et le colonialisme, l'élevage ou le sauvage. Aujourd'hui, premier épisode, on observe un lézard. La base de mon rapport aux animaux, c'est l'étonnement plus que l'émerveillement. L'étonnement, c'est-à-dire, dès qu'on décroche de la routine, par exemple cet été, ça m'est arrivé avec un lézard. Les lézards, on les connaît. Mais je ne sais pas, ils s'étaient mis sur le rebord de la fenêtre de manière telle que je les regardais. Il ne faut pas bouger, puisque sinon il s'en va. Et cet œil, une petite perle noire, on se dit, mais que voit-il ? Alors évidemment, on sait qu'il est occupé à chasser, etc. Mais on regarde ses pattes, avec ses doigts, il n'y a pas d'autre mot, d'une délicatesse incroyable. C'est des bijoux, une petite patte de lézard. Un tel raffinement, Et puis après, on se dit, mais alors ce type, il a des poumons. Ah ouais, un lézard, il a des petits poumons. C'est extraordinaire. On peut à chaque fois construire ouvrir une route imaginaire qui agrandit, nous, le rapport qu'on a avec le monde. Et c'est particulièrement frappant, par exemple, avec les oiseaux. C'est un peu absurde, mais je le dis souvent. Si moi, à la naissance, on m'avait proposé, tu préfères voler ou penser, ah, j'aurais choisi voler, sans hésiter. Et donc, si on se met à considérer que le vol est une espèce de pensée, ça agrandit le regard qu'on a sur le monde. Je suis allée voir l'écrivain et philosophe Jean-Christophe Bailly parce que je cherchais un autre œil pour regarder le zoo. Un œil qui me permettrait de l'observer de biais, par exemple. Un œil qui proposerait de considérer le zoo pour ce qu'il est, et non pas pour ce qu'il devrait être, ou pas. Qui m'aiderait à dépasser le clivage des pour et des contre. Un œil qui ferait émerger le mystère et l'étrangeté des autres êtres vivants, même en captivité. Un œil qui me permettrait d'appréhender dans toute sa complexité l'institution du zoo. Une institution toujours d'actualité, même si remise en question par une volonté de faire évoluer nos relations aux animaux. Une institution encore un peu embourbée dans son histoire de ménagerie, qui doit faire face aux réalités des vies animales dans les enclos, qui relaie nos imaginaires du monde sauvage, s'engage dans la course à la conservation et tente toujours de réajuster l'image qu'elle voudrait donner. Et puis il y a les visiteurs, qui continuent de venir voir les animaux. Alors je suis allée visiter le zoo avec les yeux de Jean-Christophe Bailly et avec tous les autres regards que j'ai croisés. Ils m'ont donné à voir des personnages réunis dans un même espace, dans un même temps. Des histoires d'animaux rêvés et d'animaux réels, des relations qui en disent long, des cachettes, des décors et des coulisses. Ils m'ont montré le zoo et ils m'ont montré que quelque chose se joue au zoo. Je fais un petit reportage pour la radio. Je peux tendre un micro vers vous ? Oui. Maman, on peut y aller. On aller où, là ? La visite au zoo. Non, à la maison. On n'a pas vu tous les animaux ici. On va aller voir le reste. Un documentaire de Myriam Prévost, réalisé par Anne Pérez Franchini. On peut monter ? Oui, allez-y. Alors on monte. Je vais décaler. Ah oui, d'accord. on va monter dans un 4x4 rayé blanc et noir comme un zèbre. En 4x4 safari. C'est l'entrée du safari. Céline, chargée de communication au zoo safari de Thoiry. Qui a ouvert ses portes en mai 1968, il y a maintenant plus de 50 ans, avec le concept original à cette époque de vouloir laisser les animaux en liberté et de remettre les visiteurs en cage dans leur voiture. Donc l'entrée du safari, les portes sont grandes ouvertes puisque vous allez l'entendre, on va passer sur des passages à la canadienne. Le passage à la canadienne, c'est ce qui empêche les animaux de sortir. C'est tout simplement un trou qu'on a creusé dans le sol qui donne de la hauteur. Donc la plupart des antilopes ont le vertige, déjà ça les tente pas. Et en plus dessus, il y a des rouleaux métalliques qui vont leur empêcher de poser les pattes. Et donc c'est pour ça qu'elles restent ici. Donc là, il y a une autruche qui est en train de couver à gauche, je sais pas si vous l'avez vu. Ah oui. Ah ouais. Parce que c'est vraiment... Elles se font un peu d'emprise. Hein. Justement, c'est fait exprès, le plumage des autruches, celle que vous avez vue, elle est un peu grise comme ça, pour pouvoir couver la journée. Et le mâle a le plumage noir pour pouvoir couver la nuit. Mmh. Voilà, chez les autruches, je partage les tâches. Il n'y a pas que la femme qui s'occupe des futurs autruchons. Donc ce que vous voyez sur la droite, c'est les territoires d'Eben, avec son bassin, ses dunes. Et donc Ben, actuellement, est tout seul, mais il y a un autre éléphant femelle qui va venir le rejoindre cet automne. Son territoire, il le partage avec des facochères. Parfois, le font un peu tourner en bourrique, c'est drôle à observer. La maison de Ben, c'est le bunker que vous pouvez voir là, qui est à moitié ensemble. C'est Sébastien qui nous attend devant la maison. Sébastien qui va prendre une trompe. En effet, il y a tout de même cette fascination pour les animaux, quoi. Véronique Servet, psychologue et anthropologue. Et le plaisir qu'on a à les voir, et même si on sait que effectivement c'est pas terrible, ceci, cela, c'est aussi un peu la seule occasion qu'on peut avoir de voir des animaux. On voit jamais des animaux d'aussi près que dans un zoo. Hein. Et le zoo joue là-dessus, en fait, depuis toujours, cette fascination pour le monde animal et pour les animaux, qui parfois peut aussi atteindre ou relever d'une sorte d'expérience esthétique, quoi. On peut être fasciné, en fait, par un tigre, par un ours, ou que sais-je, hein, de le voir évoluer comme ça. Et puis après, il y a toute la dimension plus de divertissement où on va et on passe d'un animal à l'autre et on en regarde un et puis un autre. Et puis voilà, donc ça, c'est plutôt, enfin, ça relève plus du divertissement. Moi, quand je vais dans un parc zoologique, je cherche un peu l'immersion, je cherche un peu à voir les animaux, je cherche beaucoup de choses. Et donc ce qui m'attire au zoo, en fait, ce sont les animaux. Donc ce qui fait office d'attraction, entre guillemets, ce sont les animaux. Et j'ai pas vraiment de différence entre visiter Disneyland et visiter un zoo, puisque dans les deux cas, j'y vais avec mon appareil photo, etc. Donc c'est le dépaysement que je cherche, en fait. C'est-à-dire le fait de pas être chez moi, d'être soit dans une forêt avec des animaux, soit dans un endroit avec un château rose. Voilà. Pour moi, c'est la même chose. Lui, c'est Nicolas, ou Fury Lion sur le forum Les Zoos dans le Monde. Un espace de discussion en ligne où se retrouvent des amateurs, des visiteurs réguliers, concernés par les actualités du monde zoologique. Tous ont cet intérêt en commun qui les rassemble. Mais chaque membre cultive sa passion à sa manière et on y croise toutes sortes de profils. L'historien adore le charme et la grandeur des vieilles bâtisses. Lorsqu'il regarde un enclos, il voit à peine l'animal présenté, car il ne peut s'empêcher de visualiser l'ensemble des bêtes ayant vécu dans cet espace. Même quand une loutre naine a remplacé un groupe d'hippopotames. A également une faiblesse pour les pavés ou les grilles rouillées. Zoo favori, ménagerie du jardin des plantes. J'en fais pas tant que ça finalement. J'en fais, je pense, une dizaine par an. Antoine, amateur de zoo. C'est sûr que c'est plus que la moyenne, mais finalement c'est pas tant que ça. Par contre, en général, ce sont quand même plutôt des gros zoos. Quand je visite une capitale européenne, je vais essayer de garder une journée, des fois plus, pour visiter le ou les zoos locaux. Il y a vraiment des tarés, hein, on peut dire ça, qui font vraiment des voyages où pendant 15 jours, c'est zoo sans arrêt, quasiment. Enfin, voilà, c'est quand même l'élément central du voyage. Le taré visite tout ce qu'il peut, collectionne également tout ce qui lui passe sous la main. Il ne suffit jamais aux photos d'un zoo pour savoir s'il vaut la peine d'être visité. Ses devises, il faut voir pour se faire une idée. Et, On peut apprendre de tout le monde. Il y a toujours quelque chose d'intéressant. Son opinion est toujours nuancée et il trouvera toujours du potentiel à un parc. Zoo favori, parc animalier de Yes, Cadojac, les Trois Vallées, le Quinqui, la Benne. Bref, le prochain qui croisera sa route. Donc très vite, comme dans pas mal d'enfants, surtout ceux qui aiment les animaux, nos parents nous ont amenés dans les zoos. Et moi, c'était vraiment des journées extraordinaires que j'attendais avec impatience. Quelque chose qui m'attire à fond, c'est les trucs que personne connaît. Les civettes d'Austin, les pintades à poitrine blanche, bon, le babiroussa, ça me passionne. Too big to fail. Se passionner ne se déplace pas pour rien. Le zoo doit rassembler des centaines d'espèces appartenant à toutes les classes du règne animal. Il doit être une véritable encyclopédie vivante, quitte à devoir passer plus d'une journée pour le visiter. Et si en plus il y a une collection botanique et que l'institution est historique, alors là, il est comblé. Bref, le Louvre des zoos. Zoo favori, Berlin. Comment ça t'est venu ce goût pour les rhinocéros ? Assez tardivement, je sais pas trop pourquoi, dans l'adolescence. Raphaël Lambert, médiateur scientifique et animateur de la chaîne YouTube Antenzo. Je me suis mis à beaucoup les apprécier, ces rhinocéros. Je trouve qu'il y a quelque chose dans le rhinocéros qui est à la fois de l'ordre de l'imposant, du mastodonte, parce que c'est quand même une énorme bête, toute ronde, toute grise. Il y a un charisme, je trouve, c'est-à-dire que moi qui suis petit-fils de paysan, d'agriculteur et d'éleveur de vaches, je trouve qu'on retrouve un peu de la vache dans le rhinocéros. C'est rond, c'est paisible, ça broute. Et voilà, je les ai vus encore de près ce matin. Voilà, c'est la force tranquille, un rhinocéros. Là, il va manger, Ben ? Alors, avant de le sortir, ils ont disséminé de la nourriture sur son territoire. Donc oui, en sortant, il va manger. Il a du foin frais, ils ont même mis des branchages. Là, on le voit là-bas, il commence à s'aventurer. On va aller voir de plus près. Il se passe des choses quand même quand on est comme ça, aussi proche des animaux. Et je crois que c'est aussi ce qu'on cherche aux zoos, mais ouais. Mais le fait qu'ils soient comme ça, toutes les cages les unes à côté des autres, pousse aussi à une sorte de consommation un peu effrénée. On passe de l'un à l'autre et regarde, et à celui-là, et on se désintéresse tout de suite parce qu'ils sont moyennement intéressants quand même quand ils sont juste assis dans leur cage. Oui, il y a aussi cette appétence pour l'extraordinaire qui fait que les enfants, enfin, ils courent d'une cage à l'autre et ils ont vite fait de traverser le zoo. Alors, qu'est-ce qui te plaît au zoo ? Eh ben, c'est tout. Donc, à l'intérieur du bâtiment, il y a des zones rouges au sol. Je vais vous demander de pas aller sur ces zones rouges. Sinon, Ben pourrait vous attraper avec sa trompe. Donc là, je referme derrière lui pour pas qu'il y ait un autre animal qui rentre dans le bâtiment. Et j'attends qu'il soit bien sorti pour refermer après lui. Bastien, soigneur animalier au zoo safari de Thoiry. Ben, il est difficile à peser, mais c'est environ 6 tonnes. Pour un éléphant d'Afrique, voilà, c'est un beau mâle. Ouais. C'est évident, je crois, que les enfants sont habituellement très intéressés par les animaux, par toutes sortes d'animaux, mais leur monde est en général peuplé d'animaux. Le livre d'histoire sont pleins d'animaux, et les dessins animés. Et ils ont une relation spontanée et très direct aux animaux qu'ils considèrent souvent comme des égaux. Hein. Je crois qu'il y a en effet un âge où pour les enfants, les animaux sont des êtres vivants. Ils se rendent bien compte qu'un chien, c'est pas un chat, que c'est pas un humain, que c'est pas un singe. Donc voilà, ils se rendent bien compte qu'il y a des différences quand même. Mais ils n'ont pas cette idée d'une distinction radicale qu'ont les adultes chez nous, hein, entre les humains et les animaux. Beaucoup d'enfants pensent que les animaux parlent, qu'ils ont un langage à eux, et d'ailleurs ils leur parlent. Ils sont persuadés que les animaux les comprennent, qu'ils réfléchissent. Enfin, donc, beaucoup de ces capacités qu'on considère, nous, comme typiquement humaines, les enfants les attribuent spontanément aux animaux. Oh, regarde, j'ai vu ça. T'as vu ce qu'il fait ? Oui, mais pourquoi il fait ti-ti-ti-ti-ti-ti. Il va se mettre au frais. Il y a pas mal d'enfants qui sont inquiets pour les animaux. C'est-à-dire qu'ils voient les cages et ils sont très impressionnés. Certains ont peur. Ils croient que les animaux sont punis, donc on les a mis là dans une cage parce qu'ils avaient fait quelque chose et qu'ils avaient été punis. Et donc on sent qu'il y a chez les enfants pas mal de perplexité, certes aussi de l'émerveillement, mais l'émerveillement est beaucoup guidé par les adultes, hein, qui leur disent « regarde, tu as vu », etc. Et les enfants sont plus tels que moi je les ai vus et entendus, ils sont un peu parfois plus réservés, quoi. Ils se demandent un peu ce que c'est, petits. C'est quoi les animaux qui t'ont le plus plu, là, depuis le début de la visite ? Le lion. Et ça s'appelle comment déjà, les petites bêtes, là, que je trouve la vie, papa ? Et les suricates. Ça n'existe pas dans un dessin animé, ça ? Si. C'est dans quoi ? Dans le Roi Lion. Si tu devais juste me décrire, comme si je connaissais pas, c'est comment un suricate ? C'est petit, ça creuse des trous et voilà. Un peu gluant, mais appétissant. Ben voilà ! Progressivement, les enfants s'éloignent en effet des animaux. Et d'ailleurs, les adultes qui restent proches des animaux ou trop proches des animaux sont socialement considérés comme pas sérieux, d'ailleurs. Devenir adulte, chez nous, c'est s'éloigner du monde animal. Il y a quelque chose qui est de l'ordre une sorte de rite de passage. C'est abandonner, laisser les animaux derrière soi. Et devenir adulte suppose ça. Je pense que les enfants, ils voient les adultes agir autour d'eux à l'égard des animaux et progressivement ils apprennent, ça se fait petit à petit et surtout à l'adolescence en fait, qu'ils rejoindre le monde des humains, c'est s'éloigner ou abandonner d'une certaine façon le monde des animaux. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est culturel, je pense. Le tigre blanc. C'est une fille comme moi. C'est un petit mâle pour le coup. Mais... C'est un petit gars. Un mâle ? Oui. Pourquoi tu dis qu'il est comme toi ? Je préfère être elle parce que ça se défend plus et puis j'ai envie de rester vivante. J'aimerais bien être une tigresse mais qui est blanche. Et puis j'ai surtout aussi, peut-être ce qui me marque le plus au fond, c'est le souvenir de l'enfance. C'est-à-dire... Puisque je suis né à Paris, j'habitais Paris, c'était Vincennes très peu. Jean-Christophe Bailly, écrivain et philosophe. Tel qu'il était à l'époque en plus, c'est différent d'aujourd'hui, mais le jardin des plantes. On allait régulièrement avec mon père. C'est un souvenir plutôt d'émerveillement ? Absolument, intégralement, oui. Je ne peux pas dire autrement, tout d'ailleurs, le jardin, les arbres. Et les animaux, malgré les conditions dans lesquelles ils étaient conservés, donc à 7, 8 ans ou 11 ans même, on n'est pas forcément, surtout dans les années 50, on n'est pas forcément déjà militant de la cause animale, etc. Mais je ne peux pas faire abstraction du fait que j'ai appris à aimer les voir, en tout cas les animaux sauvages, les voir, les regarder, essayer de les comprendre, les admirer. Je les ai admirés là, tels que l'on les voyait en captivité, dans les conditions des eaux de l'époque où les animaux étaient condamnés à être vus. Ce qui n'est pas forcément le cas des eaux les plus évoluées d'aujourd'hui. Mais si on regarde ce qu'étaient les eaux, d'ailleurs, ce que je voyais quand j'étais petit, par exemple un hippopotame, il a un peu d'eau et puis du béton et c'est tout. Et un nombre de mètres carrés extrêmement restreint. Pareil pour l'éléphant, pareil pour tous les animaux. Ils sont dans des cages. Et il y a une évolution, donc on est sorti de la cage pour aller de plus en plus vers des pseudo-territoires, des pseudo-biomes, comme ça. Mais il y a une différence qui est quand même, du point de vue de l'animal qui est capital, c'est que l'animal n'est plus condamné à être visible. C'est-à-dire il est pu comme une chose qui a été punaisée, une image qui a été punaisée au mur. Là, on punaise une vie. Et on constate d'ailleurs que ça modifie complètement le rapport des visiteurs. C'est-à-dire le nombre de remarques débiles diminue énormément. Où il est ? Il n'est pas là comme un objet. Déjà, il est un peu vivant puisqu'il faut le chercher. Diane ? Diane ? Diane ? On ne peut pas prétendre à recréer un écosystème pour une espèce animale en dehors de son pays d'origine. François Guay, Diane, directeur du bioparc de Douai-la-Fontaine. On n'a pas le même sol, on n'a pas le même climat, Diane, on n'a pas les mêmes plantes. Donc forcément, on va évoquer un habitat. Mais ce qu'il faut, c'est que cet espace corresponde à ses besoins physiologiques pour qu'il puisse exprimer son comportement naturel. Le vrai défi, il est là. Et on y arrive bien. On est un site touristique, donc on reçoit du public. Il faut permettre au public d'observer ces animaux dans les meilleures conditions. Donc c'est un site qui doit être confortable pour l'ensemble du vivant. Et c'est pas forcément contradictoire. Les rencontres, elles peuvent se faire avec un respect mutuel. À partir du moment où on éduque un minimum notre public en leur disant, ben voilà, vous pouvez passer devant tel espace, vous verrez peut-être pas les tigres ou le taureau géant aux okapi, mais n'hésitez pas à repasser cet après-midi, voilà, vous aurez plus de chances de le voir. Ben, ça marche plutôt bien. Et c'est vrai que quand on vient au bioparc, on ne vous garantit pas de voir les 130 espèces animales présentes, ça c'est sûr. À chaque heure de la journée, les animaux ne vivent pas au même endroit, peuvent être en train de casser la croûte ou de nicher ou de jouer avec leurs congénères, ils peuvent être planqués. Bah, c'est à nous aussi d'être curieux et de prendre le temps de la découverte. Hein. On travaille en contact du vivant, il faut avoir cette conscience-là pour l'apprécier aussi. Je pense que c'est pas du tout la même chose pour un animal, par exemple, d'avoir la possibilité, quand on reçoit la nourriture, au lieu de la manger tout de suite, d'avoir un espace tel que, par exemple, on peut la cacher. Puis, ce qui est très important pour des tas d'animaux, et évidemment que ça ne pouvait pas être le cas quand, par exemple, paf, on balançait un morceau de barbac sur un sol en béton. C'est plus du tout pareil. Alors, je ne suis pas du tout en train de faire l'éloge de ces simulacres ou de ces... Le zoo, c'est une pseudo-nature. Mais il y a quelque chose qui n'est jamais pseudo dans le zoo, c'est l'animal lui-même. Nous, vous allez voir, on a beaucoup de lions ici. On a plusieurs territoires où vous pouvez les observer. On a un territoire de lions dans le zoo à pied qui est traversé par un tunnel de verre. On en a un deuxième enclos qui est à côté pour temporiser quand on a des naissances, quand on a des lions qui ne s'entendent plus, si jamais on a un lion malade ou vieux. Et on a aussi l'enclos safari, donc voilà, ces trois territoires qui sont assez grands et où différentes familles de lions évoluent. Là, vous commencez à les entendre. Vous allez faire une grosse pression. Ça va, on va rentrer à l'intérieur, parlez-vous. Ouais, ok, nous on se met en situation, je monte, attends, il faut que je monte d'abord voir là-haut. Vous allez nous faire rentrer ici. Là, vous êtes potentiellement repas. Une proie en tout cas. Pardon ? Une proie. Vous allez vous sentir dans la peau d'une proie quand vous allez rentrer à l'intérieur du bâtiment. Vous restez bien au milieu, surtout dans le bâtiment. Vous allez avoir des lions de chaque côté de l'allée. Philippe, soigneur animalier au zoo safari de Thoiry. Donc vous restez au milieu, tout simplement. Voilà. Ok ? Allez-y. On y va. Là, vous avez un autre groupe. Là, vous avez un deuxième groupe. Ouais, mais c'est rien, ça. Vous avez un deuxième groupe qui va aller à côté du groupe tunnel par café. Cette espèce d'émotion qu'on ressent à la vue d'un animal sauvage. Pierre Guay, directeur du bioparc pendant 40 ans. Et qu'on essaie de susciter ici, parce que nos animaux sont peu visibles, vous l'avez remarqué ça. Donc on a vraiment toujours favorisé, ça a été des grands débats avec mon père quand j'étais jeune et que je mettais des plantes partout dans le parc. On ne voit pas les animaux, bah oui, mais les animaux dans la nature, on ne les voit pas. Et l'émotion qu'on a la nuit quand on est sur une route et qu'il y a un blaireau qui passe dans les phares de la bagnole, c'est ça moi ce que je veux susciter ici. La première fois que j'ai vu une forêt tropicale en Afrique, La seule chose que j'ai retenue, c'est le vol des touracos. Alors, le touraco, c'est un oiseau frugivore qui est gros comme un pigeon, vert en général. Et quand il vole, il étend les ailes sont rouges. Donc vous êtes dans une clairière, vous attendez que passe un éléphant ou un buffle, il n'en passe pas. Et puis d'un seul coup, il y a deux espèces de fusées rouges qui passent devant vous. Ça, c'est l'image que j'ai retenue. J'avais envie, quand on a fait ça, que les gens aient cette impression-là et cette sensation-là. Mais ça reste une mise en scène et une sorte de petit théâtre. Oui, j'en ai pas honte de ça, moi je trouve ça... Bah, en fait, si la mise en scène est utile, pourquoi pas dans le fond, hein. Si la mise en scène est utile, c'est pas une mise en scène spectacle, on les fait pas tourner avec des ballons sur le nez, on les fait pas passer à travers un cerceau de feu, donc c'est une mise en scène naturelle qu'on s'efforce de rendre vivante par la mixité des animaux, rajouter quelques espèces, des fois on fait des bêtises, ça se passe pas bien. Par exemple, on a voulu mettre des chouettes déterriées dans la grande volière sud-américaine avec nos perroquets, dans la nature ils vivent ensemble. Là, la première chose, il y a une espèce de perroquet qui n'avait de cesse que de vouloir voler les terriers des chouettes déterriées. Et donc il nous sortait les chouettes par une aile en leur cassant les ailes, il a fallu sortir les chouettes, donc ça marche pas toujours. Mais c'est effectivement, c'est une mise en scène naturelle de la vie sauvage, moi j'aime bien cette idée-là. Il faut qu'elle fasse ses 3 mètres pour sortir sur le terrain. Est-ce qu'il faut qu'on se décale pour ça? Ouais, il faut que vous décaliez si ça vous dérange pas. C'est ça le bruit des loups? Oui. Ouh, elle a peur de moi. Parce que t'as fait aou? Oui. Je pense qu'on allait peut-être aux zoos il y a un siècle pour s'assurer de la domination de l'homme sur la nature, mais je crois qu'on y va aujourd'hui pour on cherche autre chose. Je crois qu'on cherche plutôt un contact, une expérience de ce que c'est que la nature vivante, oui. Et je pense que ça, on en a un peu besoin, en fait. Oui. Ben oui, parce que quand on est en ville, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Puis c'est facile, quoi. C'est un enchantement un peu facile, je veux dire. Tout est préparé. L'animal est là, à disposition. Enfin, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de préparation ou de travail de son côté, je vais dire, puisque tout le dispositif, d'une certaine façon, nous y invite. Mais c'est sûr qu'on peut éprouver évidemment tout ça dans la nature, et même dans la nature ordinaire, à la vue d'un juste un renard qui passe, ou un blaireau, ou que sais-je, mais il faut s'y préparer davantage, quoi. Enfin, il y a un travail personnel à faire, plus important en réalité. Le zoo, il nous met tout ça à disposition, quoi. Bienvenue à la Terre des Gorilles, l'espace qui vient d'ouvrir il y a à peine quelques semaines. Donc là, ce que vous pouvez voir derrière, ce sont des îles entièrement naturelles et végétales. On a laissé les arbres qui étaient déjà présents de base. Donc les gorilles vont pouvoir s'amuser à aller dedans, récupérer leurs propres branches, vraiment comme dans leur milieu naturel. Tout le territoire fait plus d'un hectare. Donc il y a le bâtiment qui est très grand, conséquent. Il y a les îles qui sont derrière moi. Et il y a ce qu'on appelle les satellites qui ressemblent un peu à nos concepts de tunnels de verre pour vraiment être en immersion. Donc quand les gorilles seront sur les îles, nous on pourra, sans les déranger, être juste à côté d'eux et pouvoir les observer. Et là ils sont où? Alors actuellement les gorilles là ils sont dans leur maison, on ne les sort pas encore sur les îles parce que déjà il y a des petites finitions et les rivières que vous voyez sont presque entièrement remplies mais il manque encore quelques centimètres parce que c'est ça la barrière naturelle qui va faire que les gorilles vont rester sur les îles. Là, vous voyez, il y a zéro grillage, il n'y a pas de fil électrique. C'est vraiment juste l'eau qui va naturellement les empêcher de sortir de leurs îles et qui vont permettre de les contempler, de les observer le plus naturellement possible. La question aux zoos, c'est celle de la visibilité, quoi. C'est un lieu où on... Comment est-ce qu'on va pouvoir voir des animaux tout en étant maintenu à l'écart de ceux-ci? Jean Estebanez est géographe. Et donc, il y a plein de dispositifs techniques comme ça qui ont varié en fonction des époques. Et il s'intéresse aux relations humains-animaux dans leur dimension spatiale. Il comptait, c'était finalement la mise en scène de la domination de l'humain sur des animaux très puissants et donc avoir des barreaux très manifestes et finalement qui étaient mis en scène eux-mêmes. Ils étaient parfois ouvragés au sens où ils étaient décorés, quoi, vraiment sur le... Et donc là, ce qui était assez intéressant, c'est qu'un enjeu, c'était presque plus la mise en scène du dispositif de capture que l'animal lui-même. Pas seulement, évidemment, mais quand même. Et ce qu'on observe, c'est qu'on va avoir des séparations qui sont marquées par des barreaux ou des murs ou des choses comme ça, très majoritairement jusqu'au début du XXe siècle. Et puis, une grande rupture, c'est des systèmes qui sont développés et puis perfectionnés par un vendeur d'animaux allemand qui s'appelle Karl Hagenbeck, qui va mettre ça en principe aux eaux de Stellingen en Allemagne au début du XXe siècle. Et là, son principe, ça a été justement d'éliminer tous ces barreaux et de les remplacer par des fossés qui permettaient en fait d'être de plein pied au même niveau avec des animaux dont on était toujours séparés, mais par des choses qui étaient des creux et non plus des pleins qui étaient devant la vue. Et donc, ce qui permettait au regard de circuler, et puis ça permettait aussi de composer des paysages, puisque du coup, on pouvait faire des plans successifs avec des fossés qui séparaient les différents plans, et ça permettait de créer des paysages animaux. Et ça, c'est vraiment un héritage très puissant, puisque c'est des choses qu'on retrouve, par exemple, à Vincennes, le parc de Vincennes. Et en fait, ce qu'on a vu tout à l'heure avec les gorilles, c'est cet héritage-là, hein, c'est des fossés, des séparations qui se masquent, parce que ce qui est en jeu, c'est la mise en scène de la proximité avec les animaux. Et de plus en plus, l'idée aussi qu'on n'est plus dans un zoo, dans un dispositif fait pour l'enfermement des animaux, mais qu'on est plongé avec eux dans l'espace où ils sont censés vivre. C'est ça, alors il y a des vues qui permettent de voir les animaux, on leur laisse quand même des zones qu'on appelle les zones de retranchement. C'est-à-dire que si les animaux n'ont pas forcément envie d'être vus, on laisse des arbres, on laisse des fourrés, on les oblige pas à se montrer tout le temps. Alors c'est sûr que pour certains visiteurs, parfois c'est un peu frustrant, mais on explique que c'est le spectacle de la vie, que les animaux ont aussi leurs humeurs et qu'ils peuvent avoir envie d'être tranquilles. Ça bouge un peu, là, c'est une Indiana Jones. On se sent un peu dans la peau d'un singe, là, non? Ah, c'est ça. Ça fait partie de l'expérience, quoi. Voilà. C'est en fait qu'il y a un pont de singe qui permet de passer au-dessus des îles. Donc là, vous voyez à gauche, il y a le tunnel. Alors, il est enterré, c'est fait exprès, c'est un peu sur le même principe que les lions. Un gorille, ça a besoin d'être dominant et non pas d'être dominé. C'est pour ça que nous, on va être un peu enterrés pour les observer, parce qu'ils vont rester au-dessus de nous. Si jamais ils ont l'impression d'être dominés, ils vont être stressés. On va aller dans le bâtiment. Moi, j'aurais presque voulu, il n'y a pas si longtemps, créer un enclos qu'on aurait vu la nuit et où on aurait vu se succéder des scènes de vie sauvage comme dans la nature. Moi, j'ai beaucoup voyagé en Afrique et c'est magique la nuit en Afrique. L'attaque des lions, des hyènes, enfin tout ce qui peut se passer autour de la chasse, etc. Alors on peut pas évidemment reconstituer ça en captivité, on va pas faire chasser réellement, mais par exemple, imaginons un très grand enclos où on fait passer un groupe de gazelles, on les voit piétiner, brouter, je sais pas, et puis elles passent. De toute façon, c'est leur vie de passer, elles vont passer devant les visiteurs, elles vont regagner leur enclos, et juste après, on fait sortir les lions qui vont être complètement en front du fou par l'odeur des gazelles, et qu'on va voir, on se débrouille pour qu'ils récupèrent un morceau de carcasse par là, ils la mangent, ça va durer un quart d'heure, ça va très vite, hein. On se met 3-4 baffes, on sort du champ, et derrière, on fait rentrer des hyènes. Alors c'est sûr que c'est de la mise en scène, mais c'est la vraie vie sauvage de ces animaux. Et si ils ont des enclos extrêmement confortables derrière pour continuer leur vie, pourquoi pas? Historiquement, il n'y a pas des zoos partout dans le monde. Il y a des zoos dans des sociétés dans lesquelles il est possible d'avoir un zoo. Ça, c'est un anthropologue, Philippe Descola, qui en a beaucoup parlé. Hein, et il montre bien qu'en fait, il y a des sociétés dans laquelle il n'y a pas de disjonction ou de rupture majeure qui est faite entre les humains et certains animaux. Et du coup, on peut avoir des liens, par exemple, de parentèle avec des animaux. Et ce n'est pas du tout une métaphore, hein. C'est un système dans lequel on pense effectivement qu'on a des liens, des relations familiales avec certains animaux. Ce qui fait évidemment que dans ces sociétés-là, il n'est pas possible d'avoir des zoos, parce que si les animaux qui nous entourent pour partie d'entre eux font partie de notre famille, on ne les enferme pas, ce n'est pas possible. Et donc il y a des sociétés dans lesquelles historiquement il n'y avait pas de zoo. Et au contraire des sociétés, la société occidentale, quand elle devient naturaliste, pour reprendre les termes d'Escola, dans lesquelles les zoos est possible parce qu'il y a cette rupture de degré qui s'installe, de nature qui s'installe entre les humains et puis les animaux. Et du coup, on voit le zoo émerger dans certains lieux dans le monde et ensuite se diffuser. Et maintenant, il y en a partout dans le monde? Oui, à peu près. Il y a quelques endroits où il n'y en a pas, parce que le zoo, c'est une institution coûteuse quand même. Donc il y a des logiques qui renvoient à la richesse des pays, qui renvoient à la situation politique, hein, évidemment. Mais rares sont les pays dans lesquels il n'y a pas de zoo. Donc oui, non, c'est une institution qui s'est mondialisée. Elle n'est pas universelle, elle est mondialisée. Regarde! C'est quoi ça? Des cerfs. Moi, j'aime bien les cerfs. Alors, qu'est-ce qu'ils font, les cerfs? Tu les as vus passer? Oui. Ils font quoi? Il y a des non, maman, cornes quand ils sont en danger. On appelle les monks les cerfs. Hein? La maman les monks et les cerfs. Et ils faisaient quoi, par exemple, les yaks? Ils étaient couchés, ils se mettaient de la boue pour protéger leur peau des moustiques. C'est pas les hippopotames, ça? Globalement, ce qu'on observe, c'est que les animaux qu'on observe au zoo et les collections qu'on y trouve sont très stables. C'est-à-dire qu'en fait, on trouve la même chose à peu près partout dans le monde. Ce qui est apparu ensuite, c'est que le zoo n'est pas seulement une description du monde tel qu'il est ailleurs, que l'endroit où le zoo est implanté, mais qu'il suit peut-être d'abord des imaginaires, des pensées de la nature, de structuration de l'ailleurs, qui sont inégalement distribuées. Elles ont été construites dans des rapports de force, des rapports politiques, et donc il y a certains imaginaires de la nature, de l'exotisme en particulier, qui structurent les zoos et qui font qu'on va avoir des collections qui sont assez semblables. De ce qui nous apparaît exotique. Voilà, ce qui nous apparaissait exotique beaucoup au 19e siècle, au 20e siècle. Enfin, il y a une longue construction de certains animaux comme des animaux exotiques. Et ça, pour le coup, ça sculpte énormément la culture collective. Car ce que l'on voit, c'est toujours des grosses bêtes. C'est ça qui intéresse. Valérie Chansigaud, historienne des sciences et de l'environnement. Même s'il y a parfois dans certains jardins zoologiques des insectariums ou des aquariums, après, je pense au niveau des insectes, c'est aussi des gros insectes facilement visibles, soit parce qu'ils sont en très grand nombre, comme les fourmis, soit parce que les individus sont gros. C'est clair que montrer un vivarium où il y aurait une araignée qui à l'âge adulte fait 2 mm, ça n'intéresserait personne. Et pourtant. Ah, il y a eu une tentative, je ne sais pas si elle est encore visible, qui était remarquablement faite au muséum, où justement en fait l'idée c'était de prendre 1 mètre carré de terre, je ne sais plus si c'est dans une prairie ou une forêt, et de donner à voir tout ce qui vit dans ce mètre carré. Donc la microfaune du sol, des choses, et de donner à voir, parce que souvent ce qui manque, c'est effectivement les instruments d'optique qui permettent de voir, et de découvrir la diversité et la beauté d'ailleurs de ces organismes vivants. Et ça, quand je discute avec des spécialistes, souvent ils sont désolés parce qu'ils sont sur un groupe qu'ils trouvent passionnant, mais ils n'arrivent pas à faire partager leur passion parce que justement, ce ne sont pas des bêtes charismatiques, quoi. C'est terrible. L'insignifiant n'a pas beaucoup de valeur, c'est dommage. Vous avez vu les animaux qui sont en face? Non. Vous levez la tête. Ah oui. Ah ouais. Ce qu'on donne aux enfants, cette espèce de planche avec les silhouettes des animaux découpées, et puis chaque animal. Hein. Donc ça, là-dessus, il y a le lion, la girafe, peut-être le zèbre, l'autruche, l'éléphant, le crocodile. Et donc, on imagine que ça, c'est le zoo parfait, quoi, pour pas dire la ménagerie parfaite. En fait, c'est pour la plupart d'entre eux des animaux africains qui accompagnent en fait la construction de l'exotisme et de l'ailleurs qui se développe en particulier en Occident. Donc oui, effectivement, il y a bien une histoire de ce qu'on expose aux zoos qui est lié aux relations au monde que vont développer le monde occidental en particulier, disons notamment pendant la période coloniale. Et c'est encore quelque chose qui est très fort aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a plein d'espaces qui présentent des animaux mais qu'on ne pense pas comme des zoos parce qu'ils ne présentent pas des animaux qu'on pense comme exotiques. Donc on a exotisé certains animaux, c'est bien un processus social, et le zoo participe de cette exotisation en les présentant comme des animaux d'ailleurs, en les présentant dans des décors qui les exotisent, qui les rendent étranges ici. Donc toute la mise en scène, elle participe de ça, quoi. Ouais. Mais ça change à nouveau parce qu'effectivement, on voit émerger des fermes pédagogiques, des choses comme ça. Et ça, pour le coup, ça montre bien qu'on est dans un processus social. Parce que ce qui était bizarre change, quoi. Voilà, ça l'est moins. Ou il y a au contraire des animaux qui étaient du quotidien, qui deviennent suffisamment étranges pour qu'on puisse les présenter. Donc, il y a quand même des transformations. Et donc là, on a fait la zone Australie, on peut se balader en, En liberté, on doit suivre le chemin qui, nous, est tracé avec les protocoles. Mais si les animaux, comme les wallabies ou les kangourous, décident de traverser, comme on l'a vu tout à l'heure, ils peuvent le faire. Après, c'est des animaux qui ne veulent pas de contact, donc c'est impossible pour les gens de réussir à les toucher. Vous avez vu se déplacer assez agilement sur leurs deux pattes qui sont très musclées. Donc les gros, ce sont des kangourous roux, et les autres, ce sont des wallabies. Il y a un troisième moment qui est l'immersion. L'idée, c'est de rentrer dans le paysage zoologique et de finir cette transformation dans laquelle on n'est plus, on n'amène plus les animaux ici dans le zoo, mais nous, on va visiter l'espace dans lequel ils vivent. C'est de plus en plus l'idée d'une nature intouchée, d'espace, de la nature sauvage, un espace dans lequel, finalement, il y a eu peu de transformation du milieu et puis des espèces vivantes par les humains. Et là, il y en a un albinos ? Oui, ça arrive de temps en temps chez nos wallabies, qu'on ait un petit wallaby albinos. Donc cette année, c'est un des bébés qu'on a eu. Donc dans la nature, ça serait compliqué pour un albinos de s'en sortir parce qu'il serait très facilement visible par les prédateurs ou même pour se déplacer, ce ne serait pas pratique pour lui. Mais vu que là, il est en parc animalier, il va faire sa vie normalement comme tous les autres. Et il n'est pas rejeté par le groupe. En fait, le mot de nature est un piège absolument sans fond. Quand on tombe dedans, on n'en sortira jamais. Parce que il y a deux sens principaux au mot nature en français, mais également dans la plupart des langues occidentales. La nature pourrait être le monde matériel. Donc en fait, là, nature s'oppose à spirituel, qui est immatériel. C'est pour ça qu'on parle de sciences naturelles qui englobaient à une époque la chimie, la physique, l'astronomie, en fait tout ce qui traite du monde matériel et de la nature. Et puis est apparu au XVIIIe siècle un autre sens qui s'opposait à culture, en fait. Et aujourd'hui, on vit dans ce galimatias de deux sens quand même assez radicalement différents, puisque l'un inclut l'être humain, l'autre l'exclut, par définition. Et on ne sait jamais, quand on parle vraiment de nature, à quoi on fait allusion. Souvent, on dit la nature est une sorte de caractéristique légitime. C'est-à-dire, si on fait un enclos naturel, du coup, il est légitime, puisqu'il est naturel. Le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement ce que c'est que naturel. Dans ces enclos mixtes, c'est jamais prédateur-proie qu'on va associer. Ça paraît assez logique. Donc, c'est quand même une recréation. Et ça fait beaucoup penser au moment où les jardins paysagers sont apparus au XVIIIe siècle, où on voulait imiter la nature en la rendant plus belle. J'aime bien cette idée. On va creuser des rivières là où on en veut, on va raser des bosses ou en construire ailleurs. Enfin, on va faire une mise en scène, mais cette mise en scène sera le reflet de la nature. En plus réussi, puisqu'on va le faire soi-même. Et chez l'être humain, il y a toujours cette vision. C'est-à-dire, on peut très bien faire de la nature qui est en réalité totalement artificielle, dans le sens où elle n'est pas sauvage, pas spontanée. Elle n'est pas libre d'évoluer. Là, c'est pas une friche. Si on laissait libre, ça serait rapidement une friche avec des végétaux qui pousseraient un peu n'importe comment. Enfin, ça serait une friche. Et la friche, quelque part, qui est pourtant un espace vraiment naturel, n'est pas perçu comme naturel. C'est perçu comme du désordre. Donc, effectivement, que le discours, c'est tendre à être naturel, c'est quelque part parfois, parce qu'effectivement, plus les conditions tendent par rapport à certains critères très précis à correspondre au type de mode de vie des animaux, on peut dire que c'est naturel. Mais ça repose sur une base totalement artificielle. C'est à la fois naturel et artificiel. Le zoo, c'est vraiment un lieu qui, de mon point de vue, se rapproche plutôt de l'élevage. Ce n'est pas du tout péjoratif, hein. C'est juste de dire que dans un zoo, la question des naissances, la question des morts, la question de la reproduction, qui va se reproduire avec qui, parce qu'il y a une place limitée, elle est extrêmement contrôlée. Et donc l'idée de considérer que ce seraient des animaux sauvages parce qu'on essaye de les mettre à distance des humains, ça ne fonctionne pas du tout. Donc c'est des animaux, ils sont tout aussi authentiques qu'on le veut, mais ils sont certainement pas dissociés des humains. C'est des animaux qui vivent constamment avec des humains. Ils font des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Donc, c'est vraiment un contexte social spécifique qui produit des relations spécifiques. Et qui, à mon avis, ne sont pas très bien décrites en parlant de naturel ou d'authentique. Donc ils sont très originaux. Tu voulais me présenter quelqu'un ? Oui, ça gagne. Un tigre blanc qui malheureusement fait partie, est victime, en tout cas a été victime du trafic animal. Parce que c'est un individu qui a été récupéré par la gendarmerie chez un particulier ici en France, dans le Var. Sagan est né en mars 2019. Lucas, soigneur animalier au zoo de la Barbenne. Il a été récupéré à l'âge de 1 mois, donc pas encore sevré. Donc on a fait le travail de sevrage ici. Et aujourd'hui, on a l'immense bonheur de le voir évoluer avec deux tigresses, deux congénères, avec qui il s'entend bien, ils interagissent tous les trois ensemble dans cet enclos. Ce qu'on a de plus en plus, c'est justement une tendance à individualiser les animaux. Certains animaux, les plus charismatiques, par exemple au zoo de San Diego, parmi beaucoup d'autres zoos, vous avez des portraits des animaux individuels avec une petite histoire. Je suis né à telle date, j'ai tel caractère, je suis le frère de bidule ou de machin. Et donc, en fait, ce qu'on a, c'est des sortes de petites biographies qui peuvent parfois se conclure dans des petites stèles. Et donc, il y a des formes, effectivement, d'individualisation d'animaux, mais qui vont toucher des espèces bien particulières. Et c'est vraiment ces grands animaux du zoo qui sont les éléphants, certains singes, les grands singes, certains félins, les ours, il me semble, je suis plus sûr. Mais voilà, donc des grands mammifères qui, pour diverses raisons, sont très importants aux zoos, parce qu'ils renvoient cet exotisme qui est toujours central, ou parce qu'ils renvoient une proximité à l'humain qui est très forte, les grands singes en particulier, quoi, où là, il y a la question sur l'identité de ce que c'est qu'être humain est toujours au centre de ce qui se joue, quoi, y compris les commentaires des enfants. Oh, regarde, il fait comme nous, regarde comment il bouge. Cette question du rapport à des êtres vivants autres se joue de façon différenciée. Quoi. Quelle expérience on peut avoir de ce qu'est l'altérité si on ne l'a pas sous les yeux? J'essaye d'aller dans la mesure du possible au salon de l'agriculture, où il y a des animaux, bon, bien sûr ce sont des animaux d'élevage. J'y suis allé un dimanche. Et le dimanche, c'est qui est là, c'est la banlieue. Vraiment. C'était même saisissant. C'est-à-dire les pauvres. Hein. Et de regarder les enfants de ces gens-là, les regarder, en train de regarder ces énormes taureaux qui sont attachés, donc captifs, ces énormes vaches. Il y a quelque chose de bouleversant presque dans l'immédiateté de ce rapport. Après, ça ne justifie pas qu'on batte les animaux, qu'on les attache, qu'on les charcute, etc. Mais je pense que c'est un monde où il n'y aurait plus la possibilité d'un échange, quand même, de regards, etc. C'est un monde terrible. Et il y a un autre souvenir qui me vient à l'esprit, c'était au zoo d'Amsterdam, qui est un très beau zoo. Et je me souviens très très bien de ce moment. J'étais là et c'était la cage de Laurent Houtan. Et là, il y avait une dame, jeune, autiste selon toute probabilité, et qui était très énervée par le fait que d'autres gens pénètrent son territoire. Et elle avait fait de l'échange avec Laurent Houtan, qu'elle passait sa journée à contempler visiblement, en échangeant sur un mode que je n'avais pas envie de perturber. Je suis parti du coup assez vite, parce que vraiment on la dérangeait dans le rapport qu'elle avait construit, imaginaire peut-être, dans le rapport qu'elle avait construit avec ce magnifique animal. Et je pense, bon alors là c'est peut-être un peu particulier, mais rendre ce genre de choses impossible, je trouverais ça assez terrible. Et je pense que même les animaux y perdraient plus. Plus personne ne les voyant, plus personne ne serait attentif. Tous les animaux deviendraient comme le dodo. Bon oui, il n'y en a plus, ben voilà. Parce qu'il y a quand même une vitalité de l'indifférence qui est absolument incroyable, quoi. Tous les jours, à l'heure où, depuis qu'on a commencé de parler, je ne sais pas combien il y a eu d'hectares d'arbres abattus, avec ce que ça implique pour les animaux. C'est plutôt sur des thèmes-là qu'il faut agir. La préservation des milieux naturels, c'est 100 fois plus important que l'idée de se préserver moralement pour 3 enclos. D'autant plus qu'il y a des enclos vraiment qui sont pas des prisons. Peut-être qu'effectivement, là, il y a quelque chose à travailler autour de qu'est-ce que c'est qu'une éducation riche et problématisée et intéressante de ce que présente le zoo. Et c'est peut-être pas une histoire de la nature authentique qui finalement est la plus intéressante, mais plutôt une histoire effectivement de ses individualités et même de la fonction du dispositif, à quoi ça sert un zoo. Ça, je pense que des enfants seraient tout à fait intéressés, hein, de savoir voilà, comment c'est construit, comment c'est découpé, à quoi ça renvoie. Donc en fait, c'est la construction du savoir lui-même qui peut s'exposer aux zoos, avec des choses autour de l'identité, qui on est, comment on se positionne par rapport à d'autres vivants, qu'est-ce que c'est que vivre et mourir, qu'est-ce que c'est que la différence, l'altérité, qu'est-ce que c'est que l'ailleurs. C'est des questions qu'on se pose tout petit, hein, et je pense qu'ils sont tout à fait accessibles, il faut juste les bons termes à des enfants, y compris petits. Et ça, pour le coup, j'ai tendance à penser que ça intéresserait plus les gens que parfois des informations très factuelles sur « il vit dans tel espace, et il mange telle chose, et il pèse tel poids », parce qu'en fait, on a vite oublié, puis surtout, ça ne dit pas grand-chose de la vie elle-même. Il dort, lui. On a fini, il dort. Alors pourquoi l'autre se balance? Il a envie de jouer. Je ne vois pas. Ouais, non, il est pas là. Il est là. Tu vois la corne, elle bouge. Ouais, la corne. Ah oui, je mais vois. On voit pas le reste. On voit pas le reste. Ah non. Regarde, il y en a un autre qui se balance derrière. Pourquoi? Je ne vois pas. Ah, il est caché, on n'est pas assez grand. Et on n'a pas idée de ce qui se passe. Par exemple, l'animal, le félin le plus silencieux, qui est mon idole, soit dit en passant, le lynx. Qu'est-ce qui se passe dans les coussinets du lynx? Qu'est-ce que c'est que ce rapport au monde, comme ça, de poser si doucement cette grosse patte sur le monde, etc. Donc, et à la fin, presque, on pourrait être envieux de ça. Et plus on connaît, plus on étudie, plus on regarde, plus on voit le monde se dilater. Quand j'entends l'expression « réalité augmentée », je hurle de rire. Elle augmente à chaque instant, pour peu qu'on soit attentif. Et par exemple, on a assez peu de rapports tactiles avec les animaux. Par exemple, même ceux qu'on voit tout le temps, enfin, à la campagne, les bovins, on les touche pratiquement pas. Et lorsqu'il arrive qu'on touche un animal qu'on n'est pas censé toucher, par exemple un oiseau qui est rentré dans une pièce, puis on finit par l'attraper, et alors là... Au moment où on l'a dans la main, c'est extraordinaire. Ça pèse 20 grammes. Et on le sent, et on peut, là, pareil, comme avec la chauve-souris, on peut l'apaiser un peu. En faisant gaffe. Puis après, on le libère. C'est rien. Mais ce qui s'est passé là, on aimerait pouvoir aller plus loin. En regardant faire les animaux, on apprend énormément, quoi. Et on apprend à se servir du monde autrement que comme d'une réserve qui serait à piller à chaque instant. Au revoir, la tortue. Au revoir, madame la mouche. C'était La visite au zoo, un documentaire de Myriam Prévost, réalisé par Anne Pérez Franchini. Avec Jean-Christophe Bailly, Véronique Servet, Valérie Chansigaud, Jean Estebanez, Pierre et François Guay, Raphaël Lambert, Nicolas et Antoine du Forum Les Zoos dans le Monde, les soigneurs animaliers du Zoo Safari de Thoiry et du Zoo de la Barbenne. Merci à Antoine Rabussier pour m'avoir aimablement prêté sa liste de stéréotypes des fans de zoos. Lecture et jeu, Thibaut Patin. Documentation, Antoine Villoz, Samantha Schmitt et Annie Signoret. Prise de son, Arthur Dumont, Thomas Robine et Frédéric Cailloux. Mixage, Bernard Lamiel. Coordination, Marie-Vonne Abolivier et Perrine Kervran. LSD, pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous écouter au zoo, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret. Et pour nous écouter partout et tout le temps, le podcast, sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour nous parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram.